Section 11. Le duc de Nevers, Mancini, petit Italien devenu grand seigneur français par la vertu des richesses du duc de Mazarin, accusa Rancet à propos de la querelle du quiétisme, de vouloir faire du bruit par vanité. Il avait appris à faire des vers, il disait « Cet abbé qu'on croyait pétri de sainteté, vieilli dans la retraite et dans l'humilité, orgueilleux de ses croix, bouffi de sa souffrance, rompt ses sacrées statues en rompant le silence. » Et, contre un saint prélat s'animant aujourd'hui, du fond de ses déserts déclame contre lui. Au reste, il y avait quelque excuse dans ces emportements du duc de Nevers. Comment aurait-il pu s'empêcher de croire au regret de Rancet ? Mancini avait vu Mazarin dans sa robe de chambre de camelot fourrée de petits gris, un bonnet de nuit sur la tête, traîner ses pantoufles dans sa galerie, regarder en passant ses tableaux et dire « Il faut quitter tout cela ». Le quiétisme semblait dériver du molinisme. Rancet s'en était aperçu. Il connaissait, disait-il, une ville tout entière où s'étaient passées des choses effroyables introduites par un saint du caractère de Molinos. La condamnation du Saint-Siège contre les maximes des saints fut publiée par des huissiers en 1699 en latin et en français. Elle prohibe ces maximes. Dans l'état de la sainte indifférence, l'âme n'a plus de désirs volontaires et délibérés dans son intérêt. Dans l'état de la sainte indifférence, on ne veut rien pour soi, on veut tout pour Dieu. La partie inférieure de Jésus-Christ sur la croix ne communiquait pas à la supérieure son trouble involontaire. Les saints mystiques ont exclu de l'état des âmes transformées les pratiques de la vertu. Ainsi passent les siècles dans cette condamnation d'un évêque. Elle est signée du cardinal Albano et publiée à la tête du Champ de Flore. La société que Rancet avait quittée lui en voulait de sa pénitence. Une princesse malicieuse appliquait à l'abbé ses paroles de l'Évangile. « Vae nutriantibus !»« Malheur à ceux qui ont des enfants à nourrir !» par allusion aux moines de la Trappe. Saint-Simon, qui n'aimait pas Fénelon et qui se disait chaud partisan de Rancet, eut une querelle avec Charoste. Charoste disait que M. de la Trappe était le patriarche de Saint-Simon, devant qui tout autre n'était rien. Saint-Simon répondait que M. de Cambrai avait été repris de justice et qu'il y avait longtemps qu'il avait été condamné à Rome. À ce mot, dit Saint-Simon, voilà Charoste qui chancelle, qui veut répondre et qui balbutie. La gorge s'enfle, les yeux lui sortent de la tête et la langue de la bouche. Madame de Nogaret s'écrie, Madame de Chastenay saute à sa cravate qu'elle lui défait et le col de sa chemise. Madame de Saint-Simon court à un pot d'eau, lui en jette, tâche de l'asseoir et de lui en faire avaler. J'y gagnais que Charoste ne se commit plus à quoi que ce soit sur Monsieur de la Trappe. Le monde accourait à la Trappe. La cour pour voir le vieil homme converti, pour en rire, ou pour l'admirer, les savants pour causer avec le savant, les prêtres pour s'instruire aux leçons de la pénitence. Jean-Baptiste Thiers fut du nombre des pèlerins. Il se moquait de tout, même lorsqu'il était sérieux. L'abstinence des trappistes et leur vie muette ne lui convenaient guère, mais il y trouvait du nouveau, et la nouveauté l'alléchait. Il écrivit l'apologie de l'abbé de la Trappe. Rancet s'y opposait assez, quoiqu'il fût bien aise d'avoir un défenseur de l'esprit et du savoir de Thiers. Cette apologie fut supprimée par l'autorité. Rancet écrivait à l'abbé Nicaise en 1694 « Il est arrivé une aventure au pauvre monsieur Thiers. Je lui avais écrit avec beaucoup d'instance pour le prier de supprimer ma défense. Le pauvre homme qui est plein d'amitié et de zèle pour tout ce qui me regarde ne put se laisser persuader à ce que je lui demandais. On a découvert que son livre s'imprimait à Lyon, et on a enlevé tous les exemplaires par ordre de M. le chancelier. Vous jugez bien de la peine qu'en a eu l'auteur. Il ne se peut pas que je ne la ressente vivement, y étant obligé par justice et à titre de reconnaissance. » Le pauvre homme riait. Dans l'apologie de l'abbé de la Trappe, Thiers tombe sur le père Sainte-Marthe. Il se gaudissait de lui comme ayant dit que Madame de Maintenon lui faisait l'honneur de le regarder comme son parent. L'apologie est écrite avec vivacité. L'apologiste cite des vers ridicules contre Rancet, écrits, dit-il, par le premier des poètes bénédictins. Thiers, se justifiant lui-même, assure qu'on serait moins acharné contre lui s'il ne s'était élevé contre les archidiacres, dans son livre de l'Étole, dans son traité de la dépouille des curés et dans son factum contre le chapitre de Chartres. Il finit son apologie trop longue, puisqu'elle est composée de 511 pages, pour la défense de Rancé, par ces mots. « En voilà assez, mon révérend père Sainte-Marthe, pour vous faire rentrer en vous-même et vous retirer de la bonne opinion que vous avez de votre petite personne. » Thiers était curé de Champron. Dans une foule de pamphlets français et latins contre le chapitre de Chartres, Thiers avait attaqué le grand archidiacre de ce chapitre, Robert. Robert prétendait qu'un curé ne pouvait porter l'étole devant lui. Thiers écrivit la sauce Robert et la sauce Robert justifiée. Le chapitre de Chartres obtint un décret d'arrestation contre le curé. Thiers donna à boire aux archers, et ayant secrètement fait ferrer son cheval à glace, il leur échappa en passant sur un étang gelé. Il se réfugia dans le diocèse du Mans. L'évêque de Tressan nomma Thiers curé de Vibreuil, et c'est là que le curé fugitif et renouvelé écrivit l'histoire des perruques. Thiers se montra aussi savant, aussi joyeux que le curé de Meudon, abstracteur de la vie inimitable du grand Gargantua. Son choix eût été bientôt fait si on eût proposé à Thiers d'être Rabelais ou roi de France. C'étaient là les petites pièces qui se jouaient à la suite du grand drame de la Trappe. Une demoiselle rose était venue à la Trappe. Thiers avait été chargé d'examiner cette demoiselle. Il lui demanda si elle était mariée. Elle répondit qu'elle ne s'en souvenait pas. C'était une vieille gasconne, dit Saint-Simon, ou plutôt du Languedoc, qui avait le parler à l'excès, carré, entre deux tailles, fort maigre, le visage jaune, extrêmement laid, des yeux très vifs, une physionomie ardente, mais qu'elle savait adoucir, vive, éloquente, savante, avec un air prophétique qui imposait. Elle dormait peu et sur la dure, ne mangeait presque rien, assez mal vêtue, pauvre, et qui ne se laissait voir qu'avec mystère. Cette créature a toujours été une énigme, car il est vrai qu'elle était désintéressée, qu'elle a fait de grandes et surprenantes conversions qui ont tenu. 6 semaines durant, M. de la Trappe se défendit de voir Mademoiselle Rose. Elle partit comme elle était venue. La Bruyère fait ainsi le portrait d'un autre homme qui fréquentait la Trappe. « Concevez, dit la Bruyère, un homme facile et doux, complaisant, traitable, et tout d'un coup violent, colère, fougueux, capricieux. Imaginez-vous un homme simple, ingénu, crédule, badin, volage, un enfant en cheveux gris. Mais permettez-lui de se recueillir, ou plutôt de se livrer à un génie qui agite en lui, j'ose dire sans qu'il y prenne part, et comme à son insu, quelle verve, quelle élévation, quelles images, quelle latinité. Parlez-vous d'une même personne, me direz-vous ? Oui, du même, de Théodas et de lui seul. Il crie, il s'agite, il se roule à terre, il se relève, il tonne, il éclate, et du milieu de cette tempête il sort une lumière qui brille et qui réjouit. Disons-le sans figure, il parle comme un fou et pense comme un homme sage. Il dit ridiculement des choses vraies et follement des choses sensées et raisonnables. On est surpris de voir naître et éclore le bon sens du sein de la bouffonnerie parmi les grimaces et les contorsions. Qu'ajouterais-je davantage ? Il dit et il fait mieux qu'il ne sait. Ce sont en lui comme deux âmes qui ne se connaissent point, qui ne dépendent point l'une de l'autre, qui ont chacune leur tour ou leur fonction toutes séparées. Il manquerait un trait à cette peinture si surprenante si j'oubliais de dire qu'il est tout à la fois avide et insatiable de louanges, prêt de se jeter aux yeux de ses critiques, et dans le fond, assez docile. Senteuil, dont la Bruyère trace ainsi le portrait, allait à la Trappe et s'asseyait au cœur parmi les moines comme un petit sapajou. « J'ai vu, dit Rancé à la Béniquaise, les hymnes de M. de Senteuil pour le jour de Saint-Bernard. Elles valent beaucoup mieux que les anciennes. Il y en a pourtant de ces anciennes qui, pour n'être pas si polies, ne laisse pas d'imprimer du respect et de la révérence. » Senteuil, allant à Dijon avec le prince de Condé, fut attaqué du mal dont il mourut. Je loue Dieu de la patience qu'il a donnée à M. de Senteuil dans un mal aussi douloureux que celui dont il a été attaqué. Tout ce qui part de sa plume a un caractère qui frappe et qui plaît tout ensemble. Je ne doute point qu'il ne se fasse remarquer dans ses derniers vers, qui peuvent être considérés comme une production de sa douleur. Ce moine de Saint-Victor mourut à Dijon le 5 août 1697, à 2 heures après minuit. Au même moment, Ménage, qui ne le croyait pas si malade, s'amusait à faire des vers sur sa mort pour les lui donner et le faire rire. Ayant fait un voyage sitôt, Senteuil y cherchait la mollesse du lutrin. Elle y logeait parfois, lui dit un moine, aujourd'hui c'est la folie. Après le roi d'Angleterre, monsieur, frère du roi, vint visiter la Trappe. Dans l'enthousiasme de ce qu'il avait vu, il dit à Louis XIV que la vie qu'on menait dans cette solitude n'édifiait pas seulement la France, mais toute l'Europe, et qu'il était avantageux à l'État de la maintenir. Monsieur était tout le contraire de la sublimité ascétique. Il fut père du duc d'Orléans. Il avait d'effroyables mœurs dont aurait pu témoigner le chevalier de Lorraine, de la fière maison des Guises. Plongé dans le repos, il s'abandonna à des femmes dont madame de Fresnes lui disait « Vous ne déshonorez pas les femmes qui vous hantent, ce sont elles qui vous déshonorent ». Il se donnait la détestable privauté d'étendre la main sur un siège où venait s'asseoir une femme. Il était fou du bruit des cloches. Il empoisonna peut-être sa première femme, Henriette d'Angleterre. Sa seconde fut Charlotte Élisabeth, fille de Charles-Louis, électeur de Bavière. Celle-ci, aussi laide que Henriette avait été agréable, était grossière. Elle avait beaucoup d'esprit en allemand. Elle est connue par le cynisme avec lequel elle parle d'elle-même et du grand roi, son beau-frère. Elle écrivait « Dans tout l'univers entier, on ne peut, je crois, trouver de plus laides mains que les miennes. Mes yeux sont petits, j'ai le nez court et gros, les lèvres longues et plates, de grandes joues pendantes, une figure longue. Je suis très petite de stature, ma taille et ma jambe sont grosses. » S'étant arrangée de cette façon, on peut juger qu'elle était à l'aise pour parler de son prochain. Une imagination romanesque était renfermée dans ce qu'elle appelle ce vilain petit laideron. Le cardinal de Bouillon suivit monsieur. Sa naissance, dit Pélisson, ses mœurs, son esprit le rendait digne d'être cardinal, et le roi cherchait à récompenser et à honorer par cette faveur les services du comte de Turenne dans la personne de son neveu. Ce n'est pas l'opinion de Saint-Simon qui maltraite fort le cardinal de Bouillon, assurant qu'il avait des mœurs infâmes. Ce regard louche venait se rejoindre et s'arrêter au bout de son nez. Dépouillé du cordon bleu par le roi, il le portait sous ses habits. Exilé à Cloak, il passa chez les ennemis. De là, il retourna à Rome. Il y mourut, délaissé, après avoir obtenu que les cardinaux conserveraient leurs calottes sur la tête en parlant au pape. Quand il passa à la Trappe, Rancé écrivait à l'abbé Nicaise. « Monsieur le cardinal de Bouillon est depuis 3 jours ici. Il a vu de près tout ce qui s'y passe. Il n'a rien vu qu'il n'ait approuvé et qui ne l'ait touché. Il s'en retourne demain. » Le cardinal de Bouillon s'écriait en répondant à monsieur de Saint-Louis qui lui tenait de bons propos à la Trappe. « Point de mort, point de mort, monsieur de Saint-Louis, je ne veux point mourir. » Le cardinal de Bouillon avait un frère, lequel disait de Louis XIV « Ce n'est qu'un vieux gentilhomme de campagne dans son château. Il n'a plus qu'une dent, et il la garde contre moi. » Ce chevalier fit établir sous la régence un bal à l'opéra. Le régent s'y montrait ivre, et le chevalier reçut pour ce service 6 000 livres de pension. On élargissait dans la bourse du peuple la déchirure par où devait passer la France. Il ne manquait plus qu'un roi à la Trappe. Il y vint. Il avait porté 3 couronnes. Jacques II, chassé de son trône, avait débarqué sur les côtes de France, menant son fils naturel. Personne ne fut frappé de cette confusion de mœurs. Louis XIV donnait l'exemple. Les enfants illégitimes étaient alors fort considérés, excepté du prince d'Orange. On lui voulait faire épouser mademoiselle de Conti, mademoiselle de Blois, fille de madame de la Vallière. Il répondit « Les princes d'Orange ne sont pas accoutumés à épouser des bâtardes. » En voyant Jacques II, on ne songea qu'à la générosité du roi sur le trône et au malheur du roi détrôné. De retour de son expédition d'Irlande, Jacques se vint consoler à la Trappe. Le canon qu'il avait chassé à la Boine le repoussa parmi les morts. Il y arriva le 21 novembre 1690. les lieux communs sur le néant des grandeurs ne manquèrent pas aux banalités de l'éloquence. Il y eut pourtant cela de vrai à l'adresse de Jacques que sa piété était sincère. Rancé le conduisit à l'église, le prince assista à ses complis si religieusement et si tristement chantés. Il partagea le repas commun et demanda à l'abbé ce qui se passait dans la solitude. Le lendemain, il communia, puis parcourut, entre deux étangs, une chaussée où se promenait Bossuet avec Rancé. Jacques était un de ces oiseaux de mer que la tempête jette dans l'intérieur des terres. Il alla avec plusieurs gentilshommes de son ancienne cour visiter un solitaire, jadis soldat de Louis XIV, et qui s'était retiré dans les bois de la Trappe. « À quelle heure entendez-vous la messe ? » dit le roi. « À 3h30 du matin, » répondit l'ermite. « Comment pouvez-vous faire, » dit Lord Dumbarton, « dans les temps de pluie et de neige, où l'on ne peut distinguer les sentiers ?»« Je rougirai, » répondit le soldat, « de compter pour quelque chose des peines légères qui se rencontrent dans le service que je tâche de rendre à mon Dieu, après que j'ai méprisé celles qui se pouvaient rencontrer dans le service que je rendais à mon roi. » « Vous avez bien raison, » dit Jacques. « On ne peut assez s'étonner qu'on fasse tant pour un roi de la terre et presque rien pour le roi du ciel. » « Mais, » répondit Lord Dumbarton, « ne vous ennuie-t-il point dans cette solitude ?»« Je pense à l'éternité. » « Votre état, ajouta le roi, prenant la parole, est plus heureux que celui des grands. Vous mourrez de la mort des justes. » Puis il regarda le solitaire comme s'il eût envié son bonheur. Ensuite, le saluant, il lui dit « Adieu, monsieur, priez pour moi, pour la reine et pour mon fils. » Le gentilhomme lui fit une profonde révérence, et le roi regagna l'abbaye en passant par des prés bas et humides. Ce sont là de belles histoires. Dieu, un roi détrôné, un soldat devenu ermite. La reine de la Grande-Bretagne vint à son tour visiter la solitude. L'aumônier de Sa Majesté écrivit le 2 juin 1692 à Rancé. « Vous avez entièrement gagné le cœur de la reine par les saintes impressions que Dieu a faites, par votre ministère, sur le cœur du roi son époux, car elle m'a fait l'honneur de me dire plus d'une fois qu'elle ne pouvait assez louer Dieu des grâces qu'il avait reçues à la Trappe. Il n'en fallait pas moins pour le soutenir dans les grandes et presque continuelles disgrâces qu'il a essuyées depuis si longtemps, et qui semblait augmenter à un point de mettre toute sa vertu à l'épreuve. Le roi d'Angleterre revint une seconde fois à la Trappe avec le maréchal de Bellefonds, introducteur aux ruines. Il avait vu du rivage le combat de la Hogue. La Trappe méprisait le monde et contemplait des chutes d'empire qui justifiaient son mépris. On venait chercher dans cet abri des raisons d'aimer le désert. Le roi d'Angleterre, dit Rancé, soutint la perte de trois royaumes avec une constance comparable à tout ce que nous lisons de plus grand dans les histoires. Il parle de ses ennemis sans chaleur, il garde une douceur dans toute sa conduite qui ferait croire qu'il est dans le monde sans peine et sans affliction. La reine n'a point de sentiments qui ne soient conformes à ceux du roi, son époux. Elle ne voit ce qu'on appelle les biens de ce monde que comme des lueurs qui ne font que passer, et qui trompe ceux qui s'y arrêtent. Jacques II était un pauvre souverain, mais Rancé prenait son point de vue du ciel. Qu'un homme soit rédimé au prix des plus grands malheurs, son rachat vaut mieux que tous ses malheurs. Qu'une révolution renverse un état ou en change la face, vous croyez qu'il s'agit des destinées du monde ? Pas du tout, c'est un particulier, et peut-être le particulier le plus obscur que Dieu a voulu sauver. Tel est le prix d'une âme chrétienne. Si des états sont bouleversés, c'est, dit l'apôtre, afin que les élus éprouvés parviennent à la gloire. Tout est pour les prédestinés, tout est subordonné à leur consommation, et quand leur nombre sera rempli, on verra de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Telle est la fatalité chrétienne. La fatalité antique vient de l'objet extérieur. La fatalité chrétienne vient de l'homme. Je veux dire que le chrétien crée la nécessité par sa vertu. Il ne détruit pas le mal, mais il en est le maître. On gardait à la Trappe les portraits de Sa Majesté britannique. Il était là, conservé dans son écrin d'oubli. Dans sa jeunesse, Charles X vint apprendre à la Trappe la pénitence de Jacques II. La Trappe, elle-même, s'ensevelie sous ses ruines, puis elle a été déblayée. Mais que sert, après un demi-siècle, de relever un vaisseau naufragé quand ceux qui l'avaient chargé de leur fortune et de leurs espérances ne sont plus ? Pendant ces jours de submersion que d'autres grandeurs ont disparu, on ne s'arrête plus pour écouter les échos des vieux malheurs. Dans une lettre qui ne parvint à la trappe qu'après la mort de Rancé, Lord Perse mandait à l'abbé que Jacques avait dit avant d'expirer « Je n'ai rien quitté, j'étais un grand pécheur, la prospérité m'aurait gâté le cœur, j'aurais vécu dans le désordre. » Jacques, plus heureux que Marie Stuart, nous a laissé sa dépouille. Marie, voyant s'éloigner les côtes de Normandie, s'écriait « Adieu, France, adieu, je ne te reverrai plus. » Le bourreau, en tranchant la tête à la reine d'Écosse, lui enfonça d'un coup de hache sa coiffure dans la tête comme un effroyable reproche à sa frivolité. Au reste, Rancé, tout vieux et tout malade qu'il était, ne déclinait jamais le combat, mais aussitôt qu'il avait repoussé un coup, il plongeait dans la pénitence. On n'entendait plus qu'une voix au fond des flots, comme ces sons de l'harmonica, produits de l'eau et du cristal, qui font mal. Tel fut Rancé. Cette vie ne satisfait pas. Il y manque le printemps. L'aubépine a été brisée lorsque ses bouquets commençaient à paraître. Rancé s'était proposé de courir le monde pour chercher des aventures. Qu'eût-il trouvé ? Les félicités qu'il se forgeait à Verrès étaient dans son âme. Supposez que, prenant l'existence pour une ironie du ciel, que devançant les idées de son époque, il eût rejeté cette existence, son sang eût à peine humecté quelques brins de bruyère. Si, s'embarrassant peu de l'avenir, il eût préféré à l'éternité des nuits heureuses, autre mécompte, demain il n'aurait plus aimé. Les hommes qui ont vieilli dans le désordre pensent que quand l'heure sera venue, ils pourront facilement renvoyer de jeunes grâces à leur destinée, comme on renvoie des esclaves. C'est une erreur, on ne se dégage pas à volonté des songes. On se débat douloureusement contre un chaos où le ciel et l'enfer, la haine et l'amour, l'indifférence et la passion se mêlent dans une confusion effroyable. Vieux voyageur, alors, assis sur la borne du chemin, Rancé eût compté les étoiles en ne se fiant à aucune, attendant l'aurore qui ne lui eût apporté que l'ennui du cœur et la disgrâce des années. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de possible, car les chimères d'une existence active sont aussi démontrées que les chimères d'une existence désoccupée. Si le ciel eût mis au bras de Rancé les fantômes de sa jeunesse, il se fût tôt fatigué de marcher avec des larves. Pour un homme comme lui, il n'y avait que le froc. Le froc reçoit les confidences et les garde. L'orgueil des années défend ensuite de trahir le secret, et la tombe le continue. Pour peu qu'on ait vécu, on a vu passer bien des morts, emportant dans leurs bras leurs illusions. Heureux celui dont la vie est tombée en fleurs, élégance de l'expression d'un poète qui est femme. Depuis longtemps malade à l'infirmerie, les derniers moments de Rancé s'approchaient. Il n'y avait personne pour porter la main sur le cœur de ce Christ. Lorsque Jésus pria son Père d'éloigner de lui le calice, qui tenait son doigt sur le pouls du Fils de l'homme, pour savoir si des larmes sanglantes venaient de la faiblesse humaine ou de l'épanouissement d'un cœur qui se fendait de charité. Les religieux se pressaient à sa porte. Il dicta une lettre dont le Père Abbé Jacques de la Cour leur fit lecture. « Dieu, disait-il, connaît seul mes forces, et la joie que j'aurai de vous voir. Cependant, quoique ce sentiment soit dans mon cœur plus que jamais, je suis contraint de vous dire que, dans l'état où je me trouve, il m'est impossible de satisfaire à cette joie autant que je le voudrais. Priez pour moi, mes frères, demandez à Dieu que si je vous suis encore bon à quelque chose, il me rende à la santé, sinon qu'il me retire de ce monde. » On envoya chercher l'évêque de Séez, l'ami et le confesseur de Rancé. Rancé témoigna beaucoup de joie en l'apercevant. Il saisit la main du prélat, la porta à son front pour commencer le signe de la croix, et il fit ensuite une confession générale. Il supplia l'évêque de Séez d'obtenir la protection royale en faveur de la discipline monastique de l'abbaye, ajoutant que dans toutes les autres choses, il souhaitait que la trappe fût complètement oubliée. Cette famille de la religion autour de Rancé avait la tendresse de la famille naturelle et quelque chose de plus. L'enfant qu'elle allait perdre était l'enfant qu'elle allait retrouver. Elle ignorait ce désespoir qui finit par s'éteindre devant l'irréparabilité de la perte. La foi empêche l'amitié de mourir. Chacun, en pleurant, aspire au bonheur du chrétien appelé. On voit éclater autour du juste une pieuse jalousie, laquelle a l'ardeur de l'envie sans en avoir le tourment. Rancé, apercevant un religieux qui pleurait, lui tendit la main et lui dit « Je ne vous quitte pas, je vous précède ». Le Tasse avait adressé les mêmes mots aux frères qui l'environnaient à Saint-Onufre. Rancé demanda d'être enterré dans la terre la plus abandonnée et la plus déserte. Sur un champ de bataille, où l'on n'entend plus de bruit, on voit sortir du sol les pieds de quelques soldats. Job mourut dans le petit réduit qu'il s'était fait, comme le palmier dont les branches sont chargées de rosée. Rancé entretint le prélat de l'empressement que ses frères avaient mis à le soulager. « Voilà, dit-il, comme Dieu a pris plaisir à me favoriser dans tous les temps de ma vie, et je n'ai été qu'un ingrat. » Le père abbé Jacques de la Cour entrait dans ce moment. Rancé lui dit « Ne m'oubliez pas dans vos prières, je ne vous oublierai pas devant Dieu. » Il chargea Jacques de la Cour de faire ses excuses au roi d'Angleterre. Il avait commencé une lettre pour ce monarque exilé qu'il n'avait pas pu achever. La nuit suivante fut mauvaise. Rancé la passa assis sur une chaise de paille. Il avait mis les sandales d'un religieux mort avant lui. Il allait achever le voyage qu'un autre n'avait pu finir. L'évêque de Séez lui ayant demandé s'il avait toujours eu pour ses religieux la même charité, « Oui, monseigneur, répondit le saint homme. Depuis quelques années, par la grâce de Dieu, je ne suis plus qu'un simple religieux, comme les autres. Ils sont tous mes frères et ne sont plus mes enfants. S'il m'était permis de regretter la perte de ma voix, ma douleur serait de ne pouvoir leur faire entendre combien je les aime. Je les conserve au fond de mon cœur et j'espère les y porter devant Dieu. » Sur les 8 heures du soir, Rancé se découvrit. Il pria un frère de le mettre à genoux pour recevoir la bénédiction de son évêque. Il fit une confession générale. L'évêque de Séez dit qu'il avait connu dans cette occasion, plus qu'en aucune autre, que ce grand homme avait reçu de Dieu un esprit élevé, vif, pénétrant, une âme simple et d'une candeur admirable. Plus Rancé s'était avancé vers le terme, plus il était devenu serein. Son âme répandait sa clarté sur son visage. L'aube s'échappait de la nuit. On présenta le crucifix au mourant. Il s'écria « Ô éternité, quel bonheur !» Et il embrassa le signe du salut avec la plus vive tendresse. Il baisa la tête de mort qui était au pied de la croix. En remettant cette croix à un moine, il remarqua que celui-ci ne l'imitait pas. Il dit « Pourquoi ne baisez-vous pas la tête de mort ? C'est par elle que finit notre exil et notre misère. » Rancé se souvenait-il de la relique que la tradition disait être placée auprès de lui? Dans les âges les plus fervents, les chrétiens pratiquaient encore quelques rites du culte des faux dieux. Le lit de cendre était préparé. Rancé le regarda tranquille avec une sorte d'amour, puis il céda lui-même à se coucher sur le lit d'honneur. L'évêque de Séez dit « Monsieur, ne demandez-vous pas pardon à Dieu ?»« Monsieur, répondit l'abbé, je supplie Dieu, très humblement, du fond de mon cœur, de me remettre mes péchés, et de me recevoir au nombre de ceux qu'il a destinés à chanter éternellement ses louanges. » Les forces venant à lui manquer, il s'arrêta. L'évêque dit, « Monsieur, me reconnaissez-vous ? » ?»« Monsieur, répliqua l'abbé, je vous connais parfaitement, je ne vous oublierai pas. » L'évêque de Séez s'étant enquis, si l'on avait donné quelque chose au mourant pour le soutenir, l'abbé de Rancé fit lui-même la réponse « Rien n'a manqué à l'attention de leur charité. » Il s'établit par les paroles de l'Écriture un dernier dialogue entre l'agonisant et l'évêque. L'évêque « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. » L'abbé « Je mettrai en lui toute ma confiance. » L'évêque « Seigneur, c'est vous qui êtes mon protecteur et mon libérateur. » L'abbé, « Ne tardez pas, mon Dieu, hâtez-vous de venir. » Ce furent les dernières paroles de Rancé. Il regarda l'évêque, leva les yeux au ciel et rendit l'esprit. Il fut enterré dans le cimetière commun des religieux. Ainsi se consomma le sacrifice. Le repentir vous isole de la société et n'est pas estimé à son prix. Toutefois, l'homme qui se repent est immense. Mais qui voudrait aujourd'hui être immense sans être vu? Rancé passa de sa hutte d'argile à la maison de Dieu, maison magnifique. Rancé fut porté à l'église et placé sous la lampe. Son visage, qui avait paru décharné, parut vermeil et beau. Il demeura dans l'église depuis le 27 octobre jusqu'au 29. Les moines se tenaient debout ou fondaient en larmes. C'était à qui ferait toucher au corps des linges et des chapelets. 30 religieux chantaient les psaumes. Des messes se célébraient successivement dans l'église. Lorsqu'on le mit dans la fosse, le chœur récitait ce verset du psaume 131 « C'est là que j'habiterai parce que je l'ai choisi ». On l'inhuma dans le cimetière. Le pasteur avait voulu, même après sa mort, se trouver au milieu de ses brebis. Des témoignages authentiques furent rendus à Rancé qui pourraient servir aujourd'hui à sa canonisation. Il apparut après sa mort à diverses personnes dans une grande gloire. Les rois témoignèrent de leur douleur, soit qu'ils fussent tombés, soit qu'ils occupassent encore le trône. Jacques écrivait « J'irai dans votre sainte solitude pour l'amour de moi-même, pour m'encourager dans l'état où je suis et où Dieu me tient. » C'était une voix de tonnerre, dit le père Lenain, qui retentissait de tous côtés pour inspirer aux hommes le mépris du monde, le néant de ses grandeurs, la solidité des biens de la vie future. Des conversions éclatantes s'opérèrent. Un religieux avait entendu dans son sommeil une sainte hostie qui criait « Tremblez, tremblez, tremblez !» Il fut si saisi de terreur qu'on fut longtemps à le faire revenir. Des épileptiques furent guéris en s'appliquant des linges qui avaient servi à la main malade du réformateur. Les certificats ont été conservés et Rome n'aurait pas besoin d'une longue procédure pour le placer au rang des saints. Son cœur était dans le repos et l'Esprit divin avait rempli son âme de splendeur. Saint-Simon dit, en s'interrompant, « Ses mémoires sont trop profanes pour apporter rien ici d'une vie aussi sublimement sainte. Je m'arrête tout court. Tout ce que je pourrais ajouter serait ici trop déplacé. » Né le 9 janvier 1626, 16 ans après la mort de Henri IV, mort en 1700, 15 ans avant la mort de Louis XIV, Rancé avait été 74 ans sur la terre, dont il avait vécu 37 ans dans la solitude, pour expier les 37 qu'il avait passés dans le monde. Lorsqu'il disparut, une foule d'hommes fameux avait déjà pris les devants. Pascal, Corneille, Molière, Racine, La Fontaine, Turenne et Condé. Le vainqueur de Rocroi avait reçu de Bossuet sa dernière couronne. Bossuet, dont je vous ai déjà dit la mort, penchait vers sa ruine, qu'il avait annoncée avec une simplicité si magnifique. Ce siècle est devenu immobile, comme tous les grands siècles, il s'est fait le contemporain des âges qui l'ont suivi. On ne voit pas tomber quelques pierres de l'édifice sans un sentiment de douleur. Quand Louis XIV descend le dernier au cercueil, on est atteint d'un inconsolable regret. Parmi les débris du passé se remuaient les premiers-nés de l'avenir. Quelques renommées commençaient à poindre sous la protection d'un roi décrépit encore debout. Voltaire naissait. Cette désastreuse mémoire avait pris naissance dans un temps qui ne devait point passer. La clarté sinistre s'était allumée au rayon d'un jour immortel. L'ouvrage de Rancé subsiste. Rancé s'est éloigné de sa solitude comme Lycurgue de la vallée de Lacédémone, en faisant promettre à ses disciples qu'il garderait ses lois jusqu'à son retour. Rancé est parti pour le ciel, il n'est point revenu sur la terre. Ses lois sont religieusement observées par son petit peuple. Les trappistes ont vu tomber autour d'eux les autres ordres. Ils ont vu passer la Révolution et ses crimes, Bonaparte et sa gloire, et ils ont survécu, tant il y avait de force dans cette législation surhumaine. La cryptie de Sparte était la mort des esclaves. La cryptie de la Trapte était la mort des passions. Ce phénomène est au milieu de nous, et nous ne le remarquons pas. Les institutions de Rancé ne nous paraissent qu'un objet de curiosité que nous allons voir en passant. Fin. Ici se termine « Vie de Rancé » de François-René de Chateaubriand. Enregistré par Christiane Jehanne.